10, 27, observation, comparaison. Elle est beaucoup moins grande que lui. Elle est moins grande que lui. Elle est aussi grande que lui. Elle est plus grande que lui. Elle est beaucoup plus grande que lui.